Ndikomanyanga. Albert Noir sur la mise en œuvre des bonnes journées dominicales à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le parti politique Fraternité des Patriotes INESA, FPI en sigle, participera à toutes les élections prochaines, à savoir les collinaires et les législatives de 2025. Les communales plutôt et les législatives de 2025 ainsi que les présidentielles de 2027. Propos du président de son parti, Francis Sirohiro, ce samedi à la fin d'un atelier organisé à l'intention des membres du comité de son parti dans la nouvelle province de Guitéka. Les journalistes sont appelés à bien parler. Kriklo Kirundi, Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, indique qu'un mot annoncé à la radio ou à la télévision ou écrit dans un journal est considéré comme vrai. Il a dit mercredi lors d'un atelier d'échange sur les modalités d'introduire le Kirundi sur Google Translate. Et la chronique nutrition de ce dimanche nous parle des lois de la bonne alimentation si une fois bien respectées permettent à l'organisme de se prévenir de différentes maladies. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les Burundais sont appelés à éviter toute forme de division dans le pays. Appel lancé par le chef de l'État burundais au cours de la célébration de la 8e édition de la journée dédiée aux jeunes du parti au pouvoir ce samedi. Evariste Ndayishimiye a en outre appelé les Burundais à s'atteler aux travaux de développement. Suivez-le, il est traduit en français par Yannick Remetso. Les Occidentaux se moquent souvent que les pays subsahariens sont les moins développés, alors qu'ils ont beaucoup de ressources. Faites attention, car il se pourrait que ce soit nous qui soyons des sources de pauvreté. La pauvreté est causée par les divisions. Aussi les dirigeants qui ne prennent pas compte de la bonne gouvernance ainsi qu'aux guerres. Mais pour lutter contre la pauvreté, comment est-ce qu'on fait? Pour le faire, il ne faut pas intégrer les partis politiques, associations ou les ligaras. Il faut travailler. Vous avez vu que si nous détruisons notre pays, nous-mêmes nous sommes obligés de fournir des efforts pour le reconstruire. Ce qu'ils ont fait en 2015 l'ont remarqué. Vous avez vu les sommes astronomiques que nous avons utilisées pour réhabiliter ces routes. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des voiries qui n'ont pas encore été réhabilitées faute de moyens. Cette somme utilisée pour cette fin aurait dû être utilisée pour acheter des bancs publics, des cahiers et autres. Il faut comprendre que si tu te détruis, donc maintenant, c'est le moment propice pour comprendre cela et ainsi construire notre pays. Page politique et le parti politique Fraternité des Patriotes INESA, FPI en sigle, participera à toutes les élections prochaines, à savoir les communales, législatives de 2025 ainsi que les présidentielles de 2027. Propos du président de son parti, Francis Sirohiro, ce samedi à la fin d'un atelier organisé à l'intention des membres du comité de son parti dans la nouvelle province de Gitega, qui demande aux membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et ses démembrements provinciaux et communaux de faire preuve de responsabilité et de neutralité dans l'exercice de leurs tâches. Son parti n'étant pas représenté dans aucun de ses organes, aux jeunes affiliés aux différentes formations politiques et non affiliés, demande d'éviter d'être manipulés par ceux qui voudraient les enrôler dans les actes de violence pendant la période électorale. Les détails avec Gérard Nivikisa. Le président du parti politique Fraternité des Patriotes INESA FPI, Francis Sirohiro, dit que oui, son parti participera à toutes les élections prochaines, à savoir les communales et les législatives de 2025 et les présidentielles de 2027. C'est la plus petite des questions que nous pouvons répondre par oui. Nous sommes en train de nous organiser depuis l'agrément de notre parti en décembre dernier. Nous avons commencé par des formations qui ont duré 6 mois, qui ont été clôturées par la nomination des organes au niveau national, au niveau des provinces. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des nominations au niveau des communes. Sainte-Marie. On ira jusque dans les collines et on suppose qu'au mois de janvier, on aura terminé. Et toutes ces instances vont se préparer naturellement pour aller aux élections. Aux jeunes de son parti, il demande de respecter et servir les autres. La FPI est composée spécialement par des gens encore très jeunes. C'est eux qui sont dans les organes au niveau des provinces, des communes et partout. Alors, tout ce qu'on leur enseigne, c'est tout tourne autour du leadership. Ça concerne généralement tout ce qu'ils peuvent offrir aux autres en termes de bien inédits. Alors, ils doivent se comporter bien, ils doivent respecter les autres, ils doivent chercher à écouter les autres. En outre, ils demandent aux jeunes des autres partis politiques et à ceux non affiliés à aucune formation politique de faire de même. Généralement, tout cela dépend de ce qu'on enseigne dans leur parti. Si on leur dit que les autres sont des ennemis, ils agiront toujours de la sorte. Tout ce que je leur demande, c'est de prendre un peu de temps pour venir écouter ce que nous disons. Son parti politique n'étant pas représenté à la Commission électorale et nationale indépendante SNI et ses démembrements provinciaux et communaux, il demande à toute l'équipe de ses organes de faire preuve de responsabilité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Pour des Burundais, dans la plupart des cantons dans ces organes, c'est avoir du job. Et s'ils sont entrés, je leur souhaite d'avoir un cœur qu'il faut, d'avoir un niveau de leadership pour que demain, on puisse nous rappeler d'eux comme des gens qui ont agi pour le bien. Dans le cas contraire, le Burundi saura que ce sont des hommes qui ne le méritaient pas. Francis Hirohiro a tenu tous ses propos à Gitega ce samedi au terme des travaux d'un atelier organisé par son parti FPI à l'intention des comités du parti de la nouvelle province Gitega composé des provinces Gitega, Mwaro, Muramvya et Karusi. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour Radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira pour tous ces détails. Énorme de la colline Nyagumba, zone Masangwa en commune Bukinanyana de la province Chibitoke, assassiné ce samedi. Sa femme s'est par après suicidée. Des informations recueillies auprès de l'administration communale indiquent que cet homme a tué sa femme suite au conflit foncier familial. Nguikiye Christian, l'administrateur communal de Bukinanyana, demande aux habitants de sa commune en conflit de ne pas se faire justice, mais plutôt de saisir les administratifs ou les instances judiciaires. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, les journalistes sont appelés à bien parler, écrire le Kirundi. Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, indique qu'un mot annoncé à la radio ou à la télévision ou écrit dans un journal est considéré comme vrai. Il s'est exprimé mercredi lors d'un atelier d'échange sur les modalités d'introduire le Kirundi sur Google Translate. Il interpelle les journalistes et les hauts cadres à tirer attention sur les mots utilisés afin de promouvoir le Kirundi et suivez-le dans cette traduction de Romuald de Nuyabifut. Si un journaliste prononce un mot à la radio ou à la télévision, tout le monde l'utilise comme vrai. C'est pourquoi ça a été difficile de corriger le mot conseil communal qui est traduit en Kirundi par les journalistes comme Inama Mpanuzwa Jambo. Alors que c'est faux. Comme ce mot est beaucoup utilisé par les journalistes, il est considéré comme vrai. Mais c'est pas vrai. J'interpelle alors les journalistes à tirer attention à ce qu'ils disent à la radio ou à la télévision. Pour corriger cela, ils devraient toujours continuer la culture de se faire lire avant de publier ou de s'enregistrer. Par exemple, lorsque on écrit le mot Kirinyota Mugenzi, et notre collègue lit ce mot, il va trouver facilement qu'on écrit Kirinyota Mugenzi en trois mots. Aujourd'hui, on met des contenus sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook qui sont mal écrits. Nous devons adopter ce comportement de se faire lire, que ce soit au niveau de l'administration, les hommes politiques, pour bien promouvoir et bien parler et écrire notre langue nationale. Nous poursuivons avec cette actualité par la page commerce. Et une visibilité et une vente de grosses quantités de marchandises en si peu de temps. Voilà ce que les jeunes entrepreneurs de Rumonge gardent de la foire commerciale organisée par la commune Rumonge au courant de la semaine qui s'achève. Certains des jeunes entrepreneurs qui le disent ont vu leur stock de marchandises se vider bien avant le dernier jour de cette foire. Ils demandent que ce genre d'événement soit régulièrement organisé. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, dit que l'objectif a été atteint. N'est-ce pas, Jean-Pierre Misako? Certains jeunes entrepreneurs de Rumonge qui se réjouissent de l'organisation de cette foire commerciale sont ceux opérant dans le domaine de la protection de l'environnement. Christian Irambona et son équipe produisent des braseros utilisant comme combustible de l'huile de moteur vidangée. Au dernier jour de cette foire, un seul brasero servant d'échantillonnage leur est resté, ayant eu beaucoup de clients après l'exposition de leurs produits. De leur côté, Sophie Nyogushima et ses collègues, employés à la société produisant du charbon écologique à Mutambara, n'attendaient que des clients à orienter ce samedi, dernier jour de cette foire, et cela après avoir vidé leur stock dès jeudi soir et après avoir manqué du carburant pour continuer à produire. Pour Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, l'objectif poursuivi, à savoir celui de promouvoir les productions des jeunes entrepreneurs de Rumonge, a été atteint. En effet, selon lui, certains jeunes entrepreneurs ont même vidé leur stock bien avant la fin de la foire et ont enregistré des commandes au moment où ils faisaient au départ face à des méventes. Et si le producteur trouve où écouler les produits, c'est un bon signe pour la prospérité de l'économie burundaise en général et de la prospérité économique des jeunes de Rumonge, poursuit l'administrateur communal de Rumonge. Alors qu'une faible participation dans le soutien de cette foire a été remarquée du côté des grands opérateurs économiques de Rumonge, l'administrateur communal de Rumonge leur demande de rectifier le tir dans l'organisation des prochaines foires. Jean-Pierre Misako depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Dorumonge, cap sur Kayanza pour parler environnement. Un grand ravin menace les maisons d'habitation dans les quartiers Wiraro et Wingwa en ville de Kayanza. Les habitants de ces quartiers disent que ce ravin a déjà détruit plus de 10 maisons et que même certaines autres familles continuent à déménager. Les habitants des quartiers Wiraro et Wingwa demandent le remblayage de ce ravin. Au niveau de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Antenne Kayanza l'ont dit avoir soumis la question aux instances supérieures de cet organe pour y trouver solution avant que d'autres dangers ne surviennent. Les détails avec Patrick Sengiumva. Les habitants des quartiers Wiraro et Wingwa en commune Kayanza de leur maison d'habitation sont menacés par le ravin qui est là-bas. Nous ont indiqué que ce ravin a déjà détruit plus de 10 maisons d'habitation et qu'il y a d'autres maisons d'ailleurs qui sont beaucoup menacées. Certains disent d'ailleurs que la route est reliée à ces quartiers au quartier Kigwati est aujourd'hui impraticable et déplorent que bientôt avec la rentrée scolaire, leurs enfants seront obligés de parcourir de longues distances pour aller à l'école. Au moment où la saison des pluies approche et que les habitants des quartiers Wingwa et Wiraro craignent que leurs maisons seront détruites par ce ravin, il y crie au secours. Au niveau de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction en Antenne Kayanza, on nous a fait savoir que la question de ce ravin, tout comme d'autres ravins d'ailleurs, a été déjà soumise aux organes supérieurs de ce service afin qu'elle soit résolue pour prévenir des dangers que pourraient occasionner ces ravins à la population. Depuis Kayanza, Patrick Nsengu va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les lois de la bonne alimentation, si une fois bien respectées, permettent à l'organisme de se prévenir de différentes maladies. Jean-Paul Wineda, un chercheur nutritionniste, explique que manger équilibré d'aliments complets, riches en fibres, en vitamines et en minéraux est nécessaire pour avoir une bonne santé. Ce chercheur conseille de privilégier les fruits et légumes qui fournissent à l'organisme les nutriments essentiels qui aident les nerfs et le cerveau à bien fonctionner. Chronique nutrition sur les lois de l'alimentation avec Jean-Marie Mayunk. Les lois alimentaires permettent à manger équilibré des aliments complets riches en vitamines et en fibres. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, commence à nous expliquer ce que c'est ces lois. Dans les lois de la bonne alimentation, nous avons la loi de la quantité. La quantité d'aliments ingérés chaque jour doit être suffisante pour couvrir les besoins de l'organisme en énergie et en substances nécessaires à la croissance suffisante, également à l'entretien des tissus et des organes. Une alimentation correcte doit permettre à l'individu de réaliser les fonctions suivantes: la croissance, reproduction, travail, activité mentale, stabilité du poids à l'âge adulte. Jean-Paul Wineza signale également que le régime alimentaire doit être complet et procure à l'organisme toutes les substances nécessaires. Le régime alimentaire doit être complet, varié dans sa composition et procurer à l'organisme toutes les substances nécessaires, c'est-à-dire l'hydrate de carbone, graisse, protéines, vitamines, les minéraux, eau, aussi les fibres végétales alimentaires. Quand nous avons quand même tous ces éléments que nous venons de citer, l'hydrate de carbone ou glucides, graisse ou lipides, protéines ou protides, vitamines, en fait, les vitamines qui réalisent beaucoup de fonctions dans notre organisme, les minéraux aussi, et aussi eau, qui est vraiment un élément très essentiel, très utile dans notre organisme. Aussi, les fibres végétales alimentaires doivent quand même être dans notre alimentation. Ce chercheur dit que ces substances doivent garder un équilibre correct. La quantité de diverses substances fournissant de l'énergie, c'est-à-dire l'hydrate de carbone, les graisses, protéines, doivent garder entre elles un équilibre correct. Comme l'hydrate de carbone, ils doivent apporter 55 à 75% du total des calories, ce qui pour un régime de 2000 calories suppose 1100 à 1500 calories sous forme d'hydrates de carbone ou glucides. Ces lois aident à se protéger contre toute forme de malnutrition une fois respectées. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikoumananga. Bonne suite des programmes sur Sanganito. Thank you.